Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la grande cantatrice canadienne Emma Albany. Elle a commencé à chanter très jeune. À 3 ans, elle faisait de la musique. Ensuite, elle a épousé son impresario. Ensuite, elle a voyagé partout à travers le monde. Ça a été une grande star, puis elle a fait une grande carrière. Michel Labrèche-Larouche, qui a signé une biographie romancée d'Emma Albany et qui compare, vous l'avez peut-être deviné, le parcours de la grande cantatrice à celui de la chanteuse Céline Dion. Ça se passait à l'émission Indicatif Présent en janvier 1998. Si Emma Albany est aujourd'hui un peu tombée dans l'oubli, il n'en reste pas moins qu'elle est la première chanteuse canadienne à connaître autant de succès à l'étranger. Emma Albany chantera pendant plus de 20 ans au prestigieux Covent Garden de Londres, en plus de parcourir le monde et de chanter dans les plus grandes maisons d'opéra de la planète. Oui, j'ai dû quitter Montréal et m'installer aux États-Unis. Mes amis d'Albany furent plus compréhensifs que mes amis de Montréal. Et l'évêque lui-même ne craignit pas de me proposer l'Europe, ce qui exigeait d'une jeune fille qui acceptait de partir seule beaucoup de maturité. Je ferai seule la traversée et je me spécialiserai en liturgie et en musique d'orgue. On avait fait en ma faveur une souscription qui s'était avérée un franc succès. J'avais travaillé d'arrache-pied pendant 4 ans, j'avais du talent et je le méritais bien. Extrait de l'émission Jeunesse oblige, diffusée en 1968. Je le précise tout de suite, la voix qu'on entend, cette voix qui chante, ce n'est pas la voix d'Emma Albany, mais c'est quand même un extrait réel de son journal qui était lu dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Pour nous raconter le parcours exceptionnel d'Emma Albany, je reçois le musicologue Pierre Vachon, qui est directeur communication, communauté et éducation à l'Opéra de Montréal, qui est également auteur de la biographie Emma Albany, publiée aux éditions Lydec en 2000. Pierre Vachon, bonjour. Ah, bonjour. On l'entendait dans cet extrait, la ville d'Albany va être importante à New York, donc va être importante dans le parcours d'Emma Albany. Albany, est-ce que Emma Albany, c'est son nom de scène? Elle s'appelle Emma la jeunesse. Est-ce que c'est en raison de l'importance qu'a eu Albany dans l'État de New York qu'elle deviendra Emma Albany? Pas du tout, en fait. Elle écrit son nom avec un I, alors que la ville s'écrit avec un Y dans un premier temps, mais pas du tout. C'est un concours de circonstances. Lorsqu'elle est allée en Italie, son professeur de chant lui a dit, tu sais, Emma la jeunesse, c'est pas un nom qui vend sur les grandes scènes, etc. Et donc, il faudrait trouver un autre nom. Et il y a le nom de Albany, qui est un nom d'une famille italienne, dont il reste un seul cardinal. Alors, ce serait intéressant pour perpétuer le nom, de prendre ce nom-là. Et c'est comme ça qu'elle a adopté le nom d'Albany, écrit avec un I. Mais ça n'a rien à voir avec la ville d'Albany. Incroyable. Vous avez écrit une biographie sur Emma Albany, Pierre Vachon, c'est quand même pas rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à votre table et de consacrer une biographie entière à ce personnage? Bien, en fait, on m'a demandé d'écrire un article pour le Dictionnaire biographique du Canada sur la vie d'Emma Albany, de faire le point sur la vie d'Emma Albany, la première grande cantatrice canadienne, internationale et tout. Et je finissais des études en musicologie et donc c'était parfait pour faire un travail d'archives et tout et de revivre un peu cette vie à travers les notes de Gilles Potvin, qui a été notre grand musicologue et musicographe ici. Et c'est comme ça que j'ai repris le dossier. Et je me suis pris de passion. J'ai découvert, dans le fond, cette grande artiste, cet enfant prodige, cette grande chanteuse qu'on avait oubliée. Et puis, il fallait lui donner une impulsion. Il fallait la ressusciter, la réhabiliter aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé un travail de musicologie, c'est-à-dire pour faire le tour des archives et voir, en réalité, qui elle était. Mm-hmm. Et quelle est son importance aux yeux des Canadiens dans notre vie musicale, mais aussi à travers le monde. Parce qu'on a beaucoup idéalisé, on a beaucoup romantisé sur la vie d'Emma Albany. Et moi, mon travail de musicologue, c'est de dire, ben, c'est quoi son importance réelle et sa place réelle? Donc, le regard de l'historien sur un pan de notre vie musicale. Il y a toujours cette double lecture, c'est-à-dire que c'est à la fois... C'est vrai que c'est notre première grande vedette internationale, mais il y a son importance réelle sur la scène musicale mondiale. Elle chantera plus de 20 ans à Covent Garden, c'est pas rien. Mais il y a aussi cette espèce de lien affectif, c'est chaque fois pareil. Quand quelqu'un des nôtres se distingue à l'international, on réclame cet artiste, on se l'approprie. Il y a ça dans le cas d'Emma Albany aussi. Bah, oui, mais une fois qu'ils sont devenus des gloires. Oui. Parce que c'est très, au moment où Albany existe, c'est-à-dire elle occupe, elle est née en 1847. Et donc, c'est à partir de 1860-70 à peu près où là, la carrière commence et tout. Mais au Québec, il ne se passait pas grand-chose musicalement. Là, ça commençait à peine. Le 19e siècle, en termes d'opéra, c'est une terre d'importation. Et donc, les troupes passaient par Montréal ou par les petites villes autour. Et puis, c'est à peu près ça. Et donc, Albany est la première qui va émerger. Et donc, on n'accordait pas autant d'importance. C'est pour ça que la famille, la jeunesse, a dû s'exiler à Albany. Ils sont allés d'abord à Plattsburgh, mais ensuite à Albany. Et là, aux États-Unis, Albany est un centre musical, la ville d'Albany. Et c'est pour ça que finalement, on a vite reconnu, l'évêque Conroy a vite reconnu ce talent exceptionnel, pour ne pas dire prodigieux, de cette femme, et qui a réussi à la propulser et à le faire fleurir, ce talent. Et ce talent, en fait, déjà, son père et sa mère, il faut le dire, ils sont tous les deux musiciens, mais déjà, donc, ils voient très, très tôt cette force, la beauté de cette voix, le talent musical qu'a Emma Albany. Avant 4 ans, sa mère avait déjà commencé à lui donner le goût de la musique, à lui faire un peu de musique. Et jusqu'à 5 ans, elle a travaillé avec sa mère. Mais après cet âge, c'est son père qui a commencé vraiment son éducation musicale. Il semble que ce soit un homme, que ça a été un homme assez sévère, qui la faisait travailler, elle dit elle-même, 4 heures par jour à la musique. Il paraît qu'elle chantait déjà, puisqu'à l'âge de 8 ans, elle aurait donné des concerts à Montréal, à Chambly, Saint-Jérôme. Déjà, il était évident qu'elle avait une voix un peu spéciale, une voix extraordinaire. Et son père travaillait beaucoup sa voix et ses instruments. Historienne de Chambly, Bernadette Laflamme, Chambly où est née Emma Albany, on le rappelle, à l'émission La vie quotidienne en 1980. Ça commence donc elle commence donc à chanter, à s'adonner à la musique très, très tôt, Pierre Vachon. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sa mère meurt, et c'est pour ça que son père reprend le flambeau. Son père est celui qui est le plus formé dans le couple La Jeunesse, et donc c'est lui qui va prendre sous son aile Emma, comme c'est son autre sœur aussi, Cornelia, et va lui donner donc une formation musicale, à la fois le chant, le piano, mais aussi la harpe. Et d'ailleurs, la harpe d'Emma Albany se trouve à Chambly dans la bibliothèque. Et c'est comme ça qu'il va l'encourager. Oui, très sévère, effectivement. Il avait reconnu rapidement son talent. Et c'est vrai qu'à 8-9 ans, elle commence à tourner à Montréal, notamment à la salle des artisans, pas loin du Palais des Congrès, ici à Montréal. Et là, tout d'un coup, la Gazette, le critique du Gazette, écrit le lendemain, mais c'est un enfant prodige et c'est l'étoile de l'Amérique du Nord. Et c'est comme ça qu'elle est propulsée comme enfant prodige. Elle parle déjà deux langues, français et anglais, parce qu'ils ont vécu un petit peu à Plattsburgh. Et ensuite, elle est particulièrement douée dans la musique. Elle peut lire n'importe quoi à première vue. Elle commence à écrire des pièces musicales. Il nous reste une ou deux partitions d'Emma Albany. Ouais. Et donc, on sent déjà qu'il y a un talent prodigieux. Et c'est comme ça qu'elle commence à tourner et que son père devient son impresario, va l'encourager, va la faire entrer au couvent Sainte-Anne, au Sauré-Collège, justement, pour pouvoir favoriser cette essor musical. Les sœurs qui dirigeaient le couvent, l'une des sœurs était italienne, elle venait d'Italie, donc elle disait, il y a vraiment un talent là, il la faisait chanter. Donc, et là, tout le monde était fasciné par cet enfant entre 10 et 16 ans qui avait des dons, mais prodigieux. Ouais. Et ça, on le sait, tous les échos nous disent à quel point elle était prodigieuse, et c'est comme ça que ça émerge. Et cette voix qui l'amènera jusqu'au plus haut sommet, comment la décrire, cette voix-là, Pierre Vachon? C'est une voix assez claire, cristalline, une voix légère. Oui, c'est une voix qui était très souple aussi. Alors, dans la tradition italienne, c'est-à-dire ce legato que vous avez entendu, donc de lier les phrases, de lier les notes ensemble, mais c'est une voix qui était plutôt légère, qui s'est arrondie et qui a pris du volume. C'était pas volumineux au départ, ça on le sait par les témoignages des critiques dans les journaux, mais éventuellement, la voix, avec la vieillesse, a pris du volume. Mm-hmm. Elle a pu chanter du Wagner et autre chose. Mais donc, c'est une voix qui est très, très légère. Oui, un peu comme, j'allais dire, vous parliez on parlait de Céline Dion, oui. Tout ça. Ben, moi aussi, je dis que c'est la Céline Dion de l'opéra. Ça a été la première Céline Dion, en quelque sorte. Mais cette agilité vocale, et c'est ce qui fait que ça a attiré tant d'attention. Elle pouvait faire tout facilement. avec aisance aussi. Et donc, il y avait un naturel lorsqu'elle chantait, mais il faut comprendre que le style de l'époque était complètement différent d'aujourd'hui. Quand on écoute cette pièce qu'on vient d'entendre, on ne chante plus comme ça. Ouais. Mais à l'époque, oui, on chantait de cette façon-là, mais on peut quand même deviner, justement, la beauté du timbre, l'aisance et le naturel, c'est-à-dire que tout semble très musical, ça semble aller de soi. Mais c'est vrai qu'on est dans l'approximation, vous dites, on peut deviner, parce que il y a un drame avec Emma Albany, c'est qu'elle fera très, très peu d'enregistrements. Ça se passera au début du 20e siècle, autour de 1905. Entre 1904 et 1907, précisément, ouais. 9 titres qu'elle a enregistrés. Ouais. Et mais pas très était... bon. Non, parce ça ne rend plus, pas justice à sa voix. Non, et en plus, c'est à la fin de sa vie. Ouais. Elle est sur le point de quitter la scène, elle est dans la cinquantaine, et donc ce n'est pas dans les meilleures conditions. Un chanteur à 50 ans, c'est presque terminé, là, sa vie. Et c'est pour ça que ça nous donne une petite idée. En fait, c'est surtout du style ouais. et aussi du timbre vocal, donc de la clarté, de la légèreté de la voix. On peut deviner ce qu'elle est. Donc, elle part d'Albany, on y revient, où on croit en elle, où il y a des gens vont même lui permettre financièrement de quitter Albany dans l'État de New York pour aller étudier à Paris. Comment ça se passe et quelle importance ça a, son séjour à Paris? Ben, c'est très important parce qu'elle débarque chez la baronne de Lafitte, qui est une sorte de centre artistique culturel important. Donc, elle débarque déjà des bons contacts. Elle arrive là et elle étudie avec le ténor de Paris qui s'appelle Gilbert Dupré, qui a été le créateur d'un rôle important d'Edgardo dans Lucia de Donizetti. Alors, les fans d'opéra connaissent ce rôle-là. Alors, Dupré, donc, la prend sous son aile, mais réalise rapidement qu'il ne peut pas l'amener aussi loin que ça et l'envoie rapidement chez l'autre grand pédagogue italien qui s'appelle Lamberti. Et c'est là que, tout de suite, quasiment un an après, elle débarque chez Lamberti. Lamberti, la figure de proue de la pédagogie vocale, et lui pousse ce talent et va l'encourager à chanter tout de suite dans des petites villes, notamment en Sicile, à Messine, où elle va faire ses débuts. Alors, il dit, fais tes débuts dans des rôles importants, mais dans des petites villes. Et ensuite, on verra ce que ça donne, plutôt que de faire des rôles secondaires dans des grandes villes. Et c'est comme ça que sa carrière commence en Sicile pendant elle un an. Elle est adorée en Sicile. Ah, écoutez, on l'appelle la fille de Bellini. Bellini, le grand compositeur ouais. d'opéra. Et donc, les gens l'adulent, les gens la suivent. Les gens, à la fin des représentations, vont la suivre jusqu'à son hôtel, lui apportent des fleurs, lui apportent des cadeaux. Elle devient tout d'un coup un sujet d'adulation. On court, on veut l'entendre. Et c'est comme ça qu'elle va aller à l'île de Malte. Malte appartenait à l'Angleterre. Et les échos de Malte vont parvenir jusqu'à Londres. Et c'est comme ça qu'on va dire, viens auditionner à Londres, au Covent Garden. Et que sa carrière va commencer au Covent Garden à l'âge de 24 ans. Elle chante pour une première fois. Elle va passer plus de 20 ans au Covent Garden. Elle y chante pour une première fois, donc, en 1872. Exactement. Elle fait ses débuts dans un rôle important, quand même éminent de la Sonnambula de Bellini. Alors, rôle important. Et là, c'est le triomphe du jour au lendemain. Alors, elle a 24 ans. Les gens sont fascinés par cette voix. Et là, elle est lancée. Mais il faut comprendre que le Covent Garden, c'est la Mecque de l'art lyrique à cette époque-là. Ce l'est encore aujourd'hui. Mais ce l'était encore plus à cette époque. Et donc, quiconque aboutissait au Covent Garden, c'était la consécration. Ouais. Pas juste dans un rôle secondaire, mais un rôle important. Et c'est comme ça qu'Albany, à 24 ans, elle est propulsée comme star internationale et que sa carrière déjà commence. Parce que c'est un exploit, à 24 ans, d'aboutir dans l'une des plus grandes scènes au monde. Et là, tout le milieu lyrique, le milieu artistique international se retrouve et se fréquente au Covent Garden. Et c'est comme ça que finalement, elle va émerger, elle va chanter. Les saisons sont très, très courte au Covent Garden à cette époque-là. On va de avril à juillet à peu près. Ouais. Ce qui lui laisse du temps pour prendre d'autres contrats dans les différents festivals d'Angleterre, faire le tour, chanter de l'oratorio, chanter du répertoire sacré, par exemple. Et c'est comme ça qu'elle va se développer une carrière en parallèle, c'est-à-dire une carrière lyrique, puisque c'est une des têtes d'affiche du Covent Garden, avec des contrats réguliers, et ensuite, donc, une carrière dans le répertoire plus de concerts. Et là, elle va être reconnue, on va beaucoup aussi l'aimer. Ouais. Et c'est comme ça qu'Albany va émerger. Et moi, quand je réfléchis à cette carrière, je me dis, dans le fond, la réputation, quand on lit les critiques, les recensions et tout le reste, on se rend compte qu'on oublie qu'elle est canadienne et on parle d'elle comme l'une des grandes stars lyriques du monde. Qu'elle soit canadienne, italienne, américaine, on s'en fout. C'est une des grandes stars parce que le Covent Garden, c'est la grande maison. Covent Garden, puis à côté, à cause de ses saisons, grâce à ses saisons très courtes, elle parcourt vraiment toute l'Europe, les grandes capitales, elle chante dans toutes les grandes maisons d'opéra en Europe. Et avec un répertoire d'abord italien, Pierre Vachon, mais qui va assez vite s'élargir. Elle deviendra, entre autres, à l'extérieur de l'Allemagne, la grande interprète de Wagner. Oui, exactement. Elle va effectivement chanter du Wagner, elle va chanter du répertoire français aussi, parce qu'elle va rencontrer les compositeurs de Paris et des gens qui sont sur son chemin, mais elle va devenir l'interprète de Wagner en allemand aussi, parce qu'à l'époque, Wagner était chanté en italien. Ouais. Et tout d'un coup, on lui demande de remplacer au pied levé quelqu'un, elle va chanter ce rôle, elle va l'apprendre en allemand, et c'est comme ça aussi qu'elle va travailler avec des gens qui fréquentent ou qui ont fréquenté Wagner, et qu'elle va pouvoir défendre et rendre compte du style wagnérien. Que veut dire chanter du Wagner? C'est tout à fait différent que de chanter de l'italien. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'elle va se faire une réputation, qu'elle est aussi une styliste allemande, parce qu'elle connaît la musique de l'intérieur, parce qu'elle a travaillé avec des gens qui ont fréquenté Wagner. Et là, oui, la réputation commence, elle circule un peu partout. Elle va aussi loin qu'à Saint-Pétersbourg, faire différentes tournées. Mais sa carrière, donc, elle est établie là, à partir de l'âge de 24 ans et pour la suite. Il y aura un échec important en 1880 dans cette très grande maison, la Scala de Milan. Ça ne se passera pas très bien. On écoute, vous en parlez un peu plus tôt chez nous, cette autorité, le critique Gilles Potvin, raconter cet épisode à l'émission Emma Albany, cantatrice, diffusée en 1984. On doit mentionner quand même qu'il y a un théâtre très important où elle n'a pas réussi à s'imposer, c'est à la Scala de Milan, et c'est pas un des moindres. Malheureusement, des circonstances qui sont pas tout à fait précisées encore, laissent des doutes. Elle n'était peut-être pas en voie. Il y avait une antipathie en Italie pour les chanteurs non italiens qui croyaient que l'opéra n'existait qu'en Italie. C'était provincial d'une certaine manière. Si bien que à la Scala, où elle a fait ses débuts, et ses débuts ont été vraiment des débuts, c'en est resté là, puisque c'est la seule fois qu'elle a chanté deux ouvrages, Rigoletto et Lucia, qui ont été des désastres d'une certaine façon. Et le reste de la distribution protestait, la foule était en délire, les huées, tout ça. Enfin, ça a été un moment pénible dans sa carrière. Oui. Ce qui n'a pas empêché sa carrière de continuer. Sa carrière a continué quand même. Est-ce que ce désastre, Pierre Vachon, dont on parlait dans cet extrait, sera son seul grand échec à Emma Albany? Pas tout à fait. Non. Il y a Paris aussi. Lorsqu'elle commence au Covent Garden, elle va rapidement ensuite à Paris chanter. Et là, les critiques de Paris sont partagées. Il y en a qui disent « Ah, c'est formidable, cette nouvelle sensation vocale ». D'autres vont dire « La voix est trop verte, c'est trop raide, elle n'est pas encore prête. Si elle veut égaler les grandes Patti et les grandes chanteuses de son époque, non, c'est pas encore là ». Alors, il y a aussi cette dichotomie qui existe à Paris. La Scala, parce que la Scala, c'est un théâtre mythique, hein, déjà depuis très très longtemps, depuis le 18e à peu près. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une hostilité face aux chanteurs étrangers. C'est vrai aussi qu'il y avait une cabale contre du ténor, en fait, avec qui il chantait, parce que lui, il avait été boudé en Amérique. Et donc, ça n'a pas aidé, ça, pour faire connaître et pour aider Albany et tout. Ouais. Alors, tout ça ensemble, on fait en sorte que la Scala ait été un très, très court passage, mais qui n'a pas eu d'impact sur sa carrière, parce que essentiellement, c'est Londres, la plaque lyrique importante à cette époque-là. Elle chante partout en Europe, mais elle chantera aussi, parce que c'est important, en Amérique, aux États-Unis. Il y aura une tournée américaine en 1883, puis le Met, son passage au Met, ça c'est un peu la grande consécration en 1890. Quel genre de carrière elle aura de ce côté-ci de l'Atlantique? Une très belle carrière, parce que lorsqu'elle revient ici, elle est déjà connue. Elle a été sacrifiée par les grandes scènes, et donc quand elle revient, c'est la gloire, c'est le triomphe, et on attend donc cette grande chanteuse qui vient. Comme si, par exemple, Callas passait par Montréal, ou Saturnin, ou les grands, comme si Pavarotti venait ici. Alors, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, quand elle revient à Montréal, il y avait 10 000 personnes qui l'attendaient à la gare Windsor. On l'a accompagnée et tout. Elle a donné deux récitals et tout. Donc, elle arrive en Amérique, auréolée de gloire, avec une réputation qui est assise, qui est établie. Et c'est le début de 9 tournées nord-américaines qu'elle va faire, de 1883 à 1906. Et donc, New York est une plaque importante, mais aussi Boston est un lieu important pour l'opéra, San Francisco, Chicago. Donc, elle visite les grandes villes où il se passe de l'opéra. Et ensuite, elle vient au Canada, notamment Montréal, où elle va chanter. Et elle ne boudera jamais, jamais, jamais son pays. Ouais. Elle va toujours l'honorer, revenir ici avec plaisir. Et donc, c'est comme ça que la première tournée 83, elle est décisive pour dire, ben voilà, on est fiers. Mm-hmm. C'est notre fierté, cette Canadienne. Donc, elle n'oublie pas ses racines canadiennes. En même temps, temps, Pierre Vachon, elle est vraiment devenue britannique. D'abord, elle travaille à Londres, au Covent Garden, pendant plus de 20 ans. On l'a pas dit, mais elle va marier celui qui deviendra le fils du directeur de la maison, qui va devenir à son tour directeur, Ernest Guy. Elle va marier donc le directeur de Covent Garden. Elle est amie intime. Ça, c'est quand même fascinant, mais ça montre qu'elle s'est intégrée complètement dans cette société britannique. Oui, oui. Avec la reine Victoria. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est un sujet britannique. Elle a été nommée dame commandeur de l'Empire britannique en 1925. Elle est amie intime de Victoria, oui, c'est vrai, parce que à l'époque, dans ce contexte de la fin du 19e, toutes les grandes stars du Covent Garden allaient chanter en concert privé pour la reine. Et donc, ce n'était pas inhabituel pour un chanteur d'aller chanter devant la reine. Ça se faisait tout ça. Mais ce qui est particulier, c'est que la reine trouvait qu'elle disait mais mon Dieu, qu'elle chante bien. Mais en même temps, mais quelle gentillesse. Quelle amabilité, cette femme. Et c'est comme ça que l'amitié s'est nouée. Lorsqu'elle a épousé Ernest Guy, donc oui, qui est devenu directeur du Covent Garden, ils vont passer leurs étés dans le Old Mar Lodge, qui est un petit pavillon en banlieue de Balmoral, donc où la reine passait ses étés. Et c'est comme ça que l'amitié va se créer, ouais, va s'intensifier aussi, et que Albany va devenir une amie intime de la reine Victoria. Mais la reine Victoria, qui était musicienne elle-même, qui avait étudié avec Mendelssohn. Et donc, Victoria était en mesure d'évaluer ce talent au-delà de la personnalité. Et jusqu'en 1901, la reine Victoria meurt et c'est Albany qui va chanter à ses funérailles. 1896, elle va quitter le Covent Garden. Elle continuera de chanter jusqu'en 1911 à peu près. Et puis il y aura comme un épilogue, au fond, à tout ça, une fin de carrière assez triste. On écoute à ce propos le metteur en scène Simon Fortin à l'émission Indicatif présent en 1998. C'était une femme dont la voix était l'unique mode d'expression. Et elle s'est entêtée jusque dans son vieil âge, et on ne le retrouve pas souvent dans les biographies, parce que toute la littérature qui entoure Emma Albany est une littérature essentiellement triomphaliste. Mais, il faut le dire, à la fin de sa vie, elle s'est retrouvée dans des cabarets, des musicals sordides, à chanter avec un filet de voix ce qui lui restait d'émotion entre un numéro de puce savante et d'avaleur de couteau. Hein. C'est pas très rose. Pas très rose, en effet. Quel genre de carrière, de fin de carrière et de fin de vie elle aura, Emma Albany? Surtout dédiée à l'enseignement. Ouais. 1911, elle arrête, effectivement. Et là, c'est vrai qu'elle va chanter au musical, elle va chanter sur certaines scènes, des rôles plus légers, etc. Mais pour elle, c'est pas une disgrâce. Pour elle, c'est la musique et son univers. C'est sa vie entière. Une vie de chanteur, c'est une vie de moine. Et donc, ça fait partie de ça. Et le genre musical est un genre très en vogue à ce moment-là. C'est le genre que les gens prisent. Et donc, il n'y a rien de disgracieux, disons. Mais après ça, c'est vrai qu'avec les placements financiers de son mari, ils vont tomber dans l'indigence, à telle enceinte qu'ils vont, on va faire un concert de souscription pour pouvoir ramasser des sous, le gouvernement britannique, aussi le gouvernement canadien, qui va réagir à ça en 1925, ouais, pour pouvoir ramasser des sous, près de 120 000 $ pour pouvoir lui envoyer, et qu'elle meure de façon plus convenable, disons là. Mais il faut dire aussi que son père a vécu avec elle une bonne partie de sa vie à Londres, et ça aussi, ça a aidé, disons, à faciliter la vie. Pierre Vachon, merci beaucoup. Merci. Pierre Vachon, musicologue, directeur communication, communauté et éducation à l'Opéra de Montréal, auteur, je vous le rappelle, de la biographie Emma Albany, publiée aux éditions Lydec en 2000. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Si Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Thank you.